Les gens parlent, mais c'est que des paroles en l'air. Les paroles des politiciens, c'est que des paroles en l'air. On prendra de la hauteur, même s'il y a des paroles en l'air. Des paroles en l'air, ouais, des paroles en l'air. Les gens parlent, mais c'est que des paroles en l'air. Les paroles des politiciens, c'est que des paroles en l'air. On prendra de la hauteur, même s'il y a des paroles en l'air. Des paroles en l'air, ouais, des paroles en l'air. Tous mes textes prennent de la hauteur et n'iront pas toucher le fond. Mon flow c'est de l'or, même si je ne pousse pas la fond. Ouais, c'est ce qu'on dit, même si c'est faux. Je n'ai pas si la titrée, mais ce n'est pas un défaut. Mon gars, on débute, ça c'est du verbal. Freestyle sur freestyle, on arrive en balle. Encore une production qui vient vous enjailler. Vous faire péter la tête, on ne va pas l'étaler. Le mot d'or c'est nouveauté, il fallait s'en douter. Si t'en as marre de chanter, bah fallait pas écouter. Ce sont des paroles censées, ne pas vous offenser. Alors ne m'en voulez pas si vous vous sentez visé. Visez, visez toujours plus haut, c'est ce qu'il nous faut. On use les stylos, l'encre a besoin de repos. Mais là j'ai trop les nerfs, y'a trop de paroles en l'air. Ça en ferait même le tour de l'atmosphère. Les gens parlent mais c'est que des paroles en l'air. Des paroles des politiciens, c'est que des paroles en l'air. On prendra de la hauteur même s'il y a des paroles en l'air. Des paroles en l'air, ouais, des paroles en l'air. Les gens parlent mais c'est que des paroles en l'air. Des paroles des politiciens, c'est que des paroles en l'air. On prendra de la hauteur même s'il y a des paroles en l'air. Des paroles en l'air, ouais, des paroles en l'air. Lâche le mic, j'aurai pas pour payer une paire de Nike. J'ai envie de poser avec un flow jamais entendu dans les bacs. Ils veulent m'embaucher car c'est la crise de disque à la Fnac. Et pourtant t'as vu, j'ai pas la paye d'Harry Rosenmack. Je pousse le mic parce que l'amour je l'ai trouvé dans la zik. Je pousse les rapports comme si derrière moi y'avait les flics. Trop de rimes dans le sang, j'ai trop de rythme dans le flow. Je vois tous les MC descendre pendant qu'on a visé le haut. Je vois toutes ces paroles en l'air, ces galères qui pètent la misère. La crise nous fout les nerfs, donc j'laisse personne boire dans mon verre. On veut ça que presque à chaque ligne tous les jaloux taisent. Qui nous laisse percer dans nos rêves avant de signer la trêve. Les gens parlent mais c'est que des paroles en l'air. Les paroles des politiciens, c'est que des paroles en l'air. On prendra de la hauteur même s'il y a des paroles en l'air. Des paroles en l'air, ouais, des paroles en l'air. Les gens parlent mais c'est que des paroles en l'air. Les paroles des politiciens, c'est que des paroles en l'air. On prendra de la hauteur même s'il y a des paroles en l'air. Des paroles en l'air, ouais, des paroles en l'air. Toutes ces paroles en l'air, en l'air. Passer à nous à mer, à mer. Toutes ces paroles en l'air, en l'air. On va perdre le repère.